Selon des journaux internet sud-coréens, les organisations de divers milieux de la Corée du Sud ont livré la lutte pour le retrait des GIs et de SAD. Les formations civiles et sociales à Busan, notamment la Solidarité du Peuple, ont organisé le 8 septembre devant le commandement des forces navales américaines une conférence de presse à l'occasion des 72 ans de l'occupation de la Corée du Sud par les forces armées américaines. On y a condamné le crime des autorités sud-coréennes qui ont effectué de force la disposition de SAD, ainsi que les crimes des GIs commis depuis le premier jour de l'occupation, y compris le génocide. En outre, le groupe de périple pour la paix, hors d'ici les GIs avec SAD, a tenu le 10 une conférence de presse devant la base aérienne américaine d'Osan, alors que le rassemblement des croyants de l'action de Taizon contre SAD et pour la paix de la péninsule coréenne a organisé le 12 devant le siège du conseil municipal de Taizon une conférence de presse contre la disposition supplémentaire de SAD effectuée par les autorités fantoches. D'autre part, les membres de la direction du mouvement pour l'accord de paix se sont précipités le 11 vers l'ambassade américaine à Séoul en exigeant le retrait de SAD et des troupes américaines.